Ok, ok, un son à l'ancienne. Pour ceux qui s'en rappellent, Salia, mouvement authentique. Nos cœurs lâchent. Un peu d'amour, gros. Ok, ok, 1. Regarde-toi détruire nos vies. Regarde-toi. Regarde-moi et explique-moi ce qui t'arrive. Quand je te parle, tu fous le camp. Quand je te parle, voilà que tu laisses mourir nos deux ans. Tu t'en vas au loin me déchirant. Tu t'en vas. Je suis seul au rendez combattant. Donne-moi ta vie, donne-moi ta vie, comme autrefois. Donne-moi ta vie, donne-moi ta vie, je ne te tuerai pas. Nos cœurs lâches n'en peuvent plus. Le temps passe et nous tue. Mon amour, tu me manques. Avant nous, c'était grand. Nos cœurs lâches n'en peuvent plus. Le temps passe et nous tue. Mon amour, tu me manques. Avant nous, c'était grand. J'aimerais tant pouvoir te dire à quel point j'ai mal. Marre de nos embrouilles jusqu'à en perdre le moral. J'ai toujours la haine quand tu t'emportes. Bébé, il faut être fort, tout l'un d'eux te claquera la porte. Putain, ça fait 2 ans qu'on est ensemble. On faisait tout ensemble, on voulait vieillir ensemble. Mais les temps changent et j'ai le cœur balafré. Je t'ai offert tout ce que j'ai pu et j'ai rangé ma fierté. Ça fait le canard, mais un homme ça a aussi un cœur. Et je sais que chaque soir je suis la cause de tes pleurs. Je m'en veux de t'avoir laissé seul un bout de temps. Dans ma tête c'est le boucan, vas-y viens, y'a plus le temps. On repart à zéro pour rattraper le temps perdu. Et je te promets que tu seras plus jamais déçu. Je comprends que toutes ces embrouilles ont dû te saouler. Mais j'ai compris que je t'aimais lorsque mes larmes ont coulé. Dis-moi ce que tu comptes faire. Prends pas la tête, moi je sais pas où j'en suis. Je ne veux pas te perdre. Si j'ai eu mal, c'était la femme de ma vie. Bébé, non, ne pleure pas. Mon amour, non, ne pars pas. C'est toi pour moi. C'est moi pour toi. On ne se laissera pas, non.